Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse. J'y vais, très heureux de vous accueillir à nouveau ce matin ou ce midi, ce soir, hein, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. J'espère que vous allez bien. Bon, moi actuellement je suis dans mon deuxième run, hein, mon New Game Plus de Resident Evil Village. Hein. Le jeu m'obsède pas mal. Hein. Vraiment, c'est devenu l'un de mes épisodes favoris vraiment de cette saga que j'aime tant. D'ailleurs, n'oubliez pas que mon livre, hein, Génération Resident Evil, hein, est disponible depuis le 29 avril hein, déjà, et l'occasion, si certaines ou certains d'entre vous font partie de ces gens très chaleureux qui m'ont envoyé des messages et des photos suite à la réception du bouquin, bah, je vous remercie encore, hein, parce que ça me va vraiment droit au cœur. Et justement, on va parler de Resident Evil Village, puisque Capcom a déclaré avoir distribué, hein, pas vendu, 3 millions donc, de Resident Evil Village, un démarrage qui est plus fort que celui qu'avait connu Resident Evil 7, c'est en tout cas ce que nous dit jeuactu.com. Et donc après un démarrage assez exceptionnel aussi au Royaume-Uni, Capcom en rajoute donc une couche, nous dit-on, en nous expliquant que le titre a déjà été distribué plus de 3 millions de fois. Cela comprend les ventes digitales, mais également le nombre d'envois de copies physiques aux différents distributeurs. Un très bon démarrage qui permet à Village de faire mieux que Resident Evil 7, hein, qui, sur une même période, s'était vendu à 2,5 millions en son temps. Jeu donc qui n'a pas à rougir Resident Evil 7, puisque c'est aujourd'hui, je vous fais la petite parenthèse, mais Resident Evil 7 est aujourd'hui le quatrième épisode le plus vendu de la saga. Et vu sa courte existence par rapport aux trois premiers déjà, hein, qui sont le 5, le 4 et le 6, ça promet quand même du bon record pour Village. Un résultat aussi, le résultat de Village, hein, qu'on peut comparer à celui du remake de Resident Evil 2, hein, qui s'était lui aussi écoulé dans les 3 millions de jeux, enfin écoulé et distribué, hein, lors de son lancement en 2019. Bon, tout ça vraiment augure que du bon. Si vous me suivez sur Twitter, hein, je trouve que certaines critiques, en tout cas sur l'internet français, sur certains sites, ont été un peu injustes. C'est vrai que moi je me raccorde plus avec la revue de presse internationale, je dirais, sur le jeu. Pour moi c'est un épisode vraiment exceptionnel, je vous en ai déjà parlé hier, donc je vais pas en remettre une couche, mais si vous me suivez un petit peu sur Twitter, alors mon compte perso, hein, chez Bruno, CHEZ Bruno, j'en parle en long, en large et en travers. Vraiment c'est un épisode absolument fabuleux, et donc en tout cas qui est promis à une belle carrière. Je voulais vous parler aussi de Nier. Oui, là on a deux marottes, hein, de la revue de presse JV ce matin, Resident Evil et Nier, puisque Nier Réincarnation, le jeu mobile, hein, dans l'univers de cette saga absolument géniale, hein, signé Yoko Taro, ou Taro Yoko, on a des nouvelles de la version occidentale, puisque les pré-inscriptions sont désormais ouvertes. C'est ce que nous apprend donc jeuxvideo.com, qui nous rappelle que le 3 mai dernier, le directeur de Nier Réincarnation, Monsieur Matsukawa, indiquait que la localisation en anglais était terminée. On en avait d'ailleurs parlé, hein, dans la revue de presse. Et donc l'équipe de développement préparait les pré-inscriptions pour les joueurs occidentaux. Et donc aujourd'hui, hier hein, pour vous, Square Enix et Applebaut ont annoncé que ces pré-inscriptions étaient accessibles en Amérique du Nord et en Europe, aussi bien sur système iOS que Android. Et comme annoncé, un petit jeu est proposé aux joueurs qui se pré-inscriront. Plus ils seront nombreux, plus il y aura de gemmes distribuées. Donc là, le total, toutes les informations de cette histoire de gemmes, hein, c'est à retrouver sur la news de JV.com que je vous mettrai en lien comme d'habitude. Malodélique hein, sur JV.com nous rappelle d'ailleurs que dans Nier Réincarnation, les joueurs incarneront, hein, je cite, une jeune fille mystérieuse qui se réveille dans un étrange monde nommé The Cage. L'endroit est immense. Notre personnage sera guidé par Mama, une étrange entité. La date de mise à disposition de Nier Réincarnation n'a cependant pas été dévoilée. Bon, en tout cas, moi ça fait vraiment partie des jeux que j'attends. Un jeu mobile, hein, et c'est vrai que c'est pas mon support de prédilection, même si je sais qu'il y a de très bons jeux sur ces supports, mais le temps déjà ne me permet pas de faire tout ce que j'ai envie de faire sur console et PC, donc les jeux mobiles effectivement passent un petit peu à la trappe. Mais là, on parle de Nier quand même, les amis, donc autant vous dire que je ne raterai pas mon tour. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour cette édition. Je vous souhaite panache et robustesse pour la journée, et on se retrouve de toute façon dès demain pour une nouvelle revue de presse JV. Allez, bye bye.